le marquis de Rambouillet, Charles d'Angennes, et le marquis de Précy, tous deux engagés à la guerre, étaient gentilshommes dans la trentaine, liés par une étroite amitié. Alors qu'ils discutaient sur les choses de l'autre monde, ils se promirent que le premier qui mourrait, viendrait éclairer son ami. 3 mois après, Rambouillet partit en Flandre, Belgique, où Louis XIV faisait la guerre, tandis que Précy fut retenu à Paris par une grosse fièvre. Environ 2 mois plus tard, vers 6 heures du matin, il entendit tirer ses rideaux, et se retournant pour voir qui était venu, il vit Rambouillet. Dans la joie de son retour, il sauta du lit pour une accolade, mais Rambouillet dit en reculant « J'ai été tué hier. Je viens m'acquitter de la parole que je vous ai donnée. Je sais maintenant que tout ce qu'on a dit de l'autre monde est très certain. Je vous exhorte à vivre autrement que par le passé. Vous n'avez pas de temps à perdre, car vous aussi vous serez tué dans la première affaire où vous vous trouverez. » Précy s'avança vers son ami, sans rien toucher de palpable. Voyant son incrédulité, Rambouillet lui montra la plaie à ses reins qu'il avait tuée, et paraissait saigner. Quand il disparut, Précy fut dans la consternation. Il sonna ses domestiques et conta ce qui venait d'avoir lieu. On attribua cela à sa fièvre ou sorte d'hallucination. Les nouvelles arrivèrent 5 jours après par la poste de Flandre et confirmèrent la blessure mortelle de Rambouillet. Bien que beaucoup crurent que la vision de Précy puisse être réelle, on le dissuada qu'il n'y avait rien de surnaturel, qu'il n'avait fait qu'un songe éveillé. Mais la vérité dont ils doutèrent se confirma bientôt. Dès qu'il fut guéri de sa maladie, il se joint à la bataille de Saint-Antoine, bien que son père et sa mère firent tout pour l'en empêcher, dans la crainte de voir se réaliser la prophétie. Il fut tué comme son ami l'avait prévenu, au grand regret de toute sa famille.